Numéro 2. Merci. Arigato. Non, merci. Ie, kekkou desu. Merci beaucoup. Doumo arigatou gozaimasu. Je vous en prie. Ie, dou itashimashite. Il n'y a pas de quoi. とんでもない. Excusez-moi, je suis désolé. ごめんなさい. Excusez-moi, s'il vous plaît. すみません.